une histoire particulière. L'heure est à la collection. Vous vous souvenez? 10 mois de diffusion de documentaires, l'histoire d'un lieu racontée chaque mois. Pour ce mois de janvier, notre équipe de ce week-end, Alain Lefkovitch et Rafik Zénine, sont partis dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la commune du Chambon-sur-Lignon. Elle s'est d'abord appelée le Chambon, puis le Chambon de Tence, avant de prendre son nom actuel en 1923. En juin 2013, un lieu de mémoire a été inauguré. Ce musée regroupe les traces de la désobéissance civile collective des habitants du plateau et de leur sauvetage des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le mémorial explique le contexte et précise bien que c'est l'ensemble du plateau, au-delà même de la commune du Chambon, qui fut impliqué dans ces actes d'héroïsme discret. La commune recèle un autre trésor, un collège créé en 1938. C'est l'histoire de ce collège que notre équipe va vous raconter cet après-midi. Vous allez avoir envie de retourner en classe. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. Salut, montagne bien-aimée. Collège Chevenol et Chambon-sur-Lignon, des affinités très électives. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Rafik Zénine. Chaque soir, si vous regardez la météo, vous pouvez voir où est la source de la Loire. Et au bout de la Loire, il y a le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon est connu pour son collège, est connu pour son lieu de mémoire, est connu pour son protestantisme. L'esprit idéal du Collège Chevenol, c'est un établissement pour la paix, l'international, et pour avoir une certaine spiritualité. Il y avait des Américains, des Chinois, des Djiboutiens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Tchadiens, des Portugais, des Turcs. Toutes les nationalités étaient réunies. C'était vraiment un creuset. Pour celui qui venait avec des a priori, franchement, repartait l'esprit complètement changé et ouvert au monde. C'est 50 ans de la vie d'un collège qui se résume par ces mots-là. Bien-être, convivialité, joie de vivre, entraide. Je ne saurais pas l'expliquer, mais cet attachement au collège Chevenol, il est... Enfin, c'est mystique. C'est un éternel sujet. C'est l'identité. C'est même pesant, parfois. C'est pesant parce que c'est le passé. Bah, le passé, c'est toujours lourd, en fait. Voilà. Pourquoi il a perdu sa splendeur, cet établissement ? Il n'a pas perdu de sa splendeur. Je crois qu'il a perdu un peu des sous. Non, je crois que jusqu'au bout, tout le monde a cru et croit encore à tout ce que ça nous a transmis. Ça existe. Jusqu'au bout. Enfin, ça existe encore, ça existera. Ça existe chez tous les gens qui sont passés par le Collège Chevenol. Il était une fois, au cœur de la Haute-Loire, haut perché dans les montagnes d'Auvergne et protégé par une nature capricieuse, rude et austère, un établissement scolaire avant-gardiste, pionnier et novateur, animé par des pasteurs protestants, André Trocmé et Édouard Theiss, qui avec 4 professeurs et 18 élèves, y assurèrent la toute première rentrée scolaire en septembre 1938. Le collège Chevenol venait de voir le jour, tandis que s'entamait une des pages les plus glorieuses de l'histoire de ce petit village du Chambon-sur-Lignon. Dans quel granit fut taillé ce peuple vainqueur? Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur, se demande-t-on dans la Chevenol? Cet hymne protestant, cette marseillaise huguenote, devenue le chant de ralliement des 25 000 enfants qui, durant 76 ans, génération après génération, expérimentèrent ce lieu et ses méthodes d'enseignement. Les plus belles années de leur existence, à en croire les très nombreux témoignages arrivés du monde entier sur la page Facebook des anciens et amis du collège Chevenol, comme Pierre Rousset, Anne Hollard, Antoine Catala, Josiane Escott et Sadaf Colestan-Manval. Bonjour. Bonjour, Alain. Christiane. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Alain Lorme. Bonjour. Bonjour, Sadaf. Enchanté. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour, Alain. Enchanté. Bonjour. Pierre. Vous venez d'où tous là? Alors, moi je viens de Saint-Étienne. Là tout de suite. Moi là, du Mazé à côté. Mazé Saint-Voix. Moi de Mars, juste à côté. Moi de Valence. Enfin, ça fait à côté de Valence. Moi c'est mon lieu de naissance, le Chambon-sur-Lignon. Oui, moi aussi. Moi c'est un peu loin. Moi je suis d'Iran. Donc je suis une ancienne élève, je suis arrivée au Chambon à l'âge de 13 ans et je suis restée, je me suis mariée avec un chambonnet et je fais ma vie à Saint-Étienne maintenant. Moi j'habite en Pointillé ici, on a une maison qu'on ouvre de temps en temps, mais j'ai jamais perdu le lien avec le Chambon. Donc là on est sur la place du village, à côté de la fontaine, c'est vraiment le centre du Chambon et on va monter visiter le collège. Voilà, donc c'est à 1,5 km, quelque chose comme ça. C'est une route qu'on connaît par cœur. Alors, il y a Antoine aussi qui vient d'arriver. Donc, voilà. Quand on était à l'internat... Antoine Chatala. Enchanté. Josiane et Pierre, ils sont restés jusqu'à la fermeture en tant qu'encadrement. D'abord, moi, en tant qu'élève. Et puis ensuite, voilà, depuis... En 76. 76 des cours de vacances et 78 voilà, jusqu'à la fermeture. Il faut marcher. Hein. Vous savez où c'est? Vous êtes passé déjà, non? Ah bon? Non, là, on vous attendait. C'est un village qui s'inscrit d'abord dans un territoire qui fait à peu près 500 km², qu'on appelle la montagne autrefois et qu'aujourd'hui on nomme plutôt le plateau. Aziza Grille-Mariotte, responsable du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Qui est désenclavé au début du XXe siècle par l'arrivée du train. Et auparavant, il est traversé par des chemins sur lesquels vont passer les colporteurs, qui en fait sont des porteurs de la Bible. Donc ce sont des gens qui viennent évangéliser. Donc c'est un lieu où la réforme s'implante au XVIe siècle. La réforme va rester très vivante durant la période des guerres de religion parce qu'on est sur un territoire isolé, donc voilà. Sachant qu'on est à proximité d'un territoire très catholique puisqu'on n'est pas très loin du Puy-en-Velay. Donc c'est un lieu dont la géographie explique beaucoup de choses en réalité puisqu'on est sur un plateau difficile d'accès. Et même pendant la guerre, il faut imaginer qu'il y a 6 mois de neige. Ça veut dire que la milice, la Gestapo peut pas monter. En 1938, la création de l'école Nouvelle-Sévenole, elle résulte d'une démarche qu'a entreprise Charles Guillon de créer un établissement public ici sur le territoire pour que les enfants du plateau puissent poursuivre leurs études sans aller dans le privé catholique à Tournon pour les filles et au Puy-en-Velay pour les garçons. Donc Charles Guillon, l'ancien maire de... Le maire du Chambon, à l'époque il est maire. Donc l'éducation nationale, ou plutôt le ministère de l'instruction publique, ne veut pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants. Donc ce projet-là échoue. Et à ce moment-là, André Trocmé, qui est arrivé ici en 1934, lui suggère de créer un lycée privé, protestant, avec deux modèles. Modèle italien, puisque sa femme est italienne, et le modèle de l'école des Roches, puisque un cousin, je crois, de Trocmé, était le directeur de l'école des Roches. Trocmé est un militant de la paix. Donc l'idée, c'est de faire cohabiter des jeunes de nationalités différentes pour créer la paix. On va dire que c'est un peu l'exemple de ce qui va être fait après la guerre avec les instituts franco-allemands. Hein. Mais évidemment, ils sont très novateurs. Et à ce moment-là, André Trocmé sollicite Edward Teiss, qu'il a connu aux États-Unis. Il a rencontré aussi au Mouvement international de réconciliation. Donc ce sont des gens qui sont sensibles à la non-violence et aux questions de la paix hein, dans l'entre-deux-guerres, sachant qu'Edward Teiss était en Afrique missionnaire. Voilà. Donc il fait venir Edward Teiss, dont l'épouse est américaine. Donc c'est intéressant de voir que André Trocmé est à moitié allemand, il a une femme italienne, et Edward Teiss a une épouse américaine. On voit déjà que rien que dans leur configuration familiale, il y a un microcosme, on va dire, international, qui arrive au Chambon quand même, ce qui évidemment va avoir des conséquences pour la suite. L'arrivée de la guerre en 39-40 va aussi faciliter l'arrivée de nouvelles personnes qui vont devenir des enseignants. Donc ces nouvelles personnes, ce sont des anti-nazis, autrichiens, allemands. Pour vous donner une idée, l'épouse du pasteur Trocmé, Magda Trocmé va enseigner l'italien, l'épouse du pasteur Theis va enseigner l'anglais, vous voyez, donc c'est vraiment évidemment très artisanal comme fonctionnement. Et puis dans un deuxième temps, on a des cadres de l'enseignement supérieur français qui ont été licenciés parce que juifs, qui vont venir ici se cacher et qui vont, en échange de la protection, enseigner au collège. Mon idée, mais c'est la mienne, c'est que Trocmé étant pratiquement le maître d'un pays monoconfessionnel, à peu de choses près, s'est retrouvé un petit peu dans la situation de Calvin à Genève, trois siècles avant, pour créer ici une école. Alain Arnoux, ancien pasteur du Chambon-sur-Lignon de 1983 à 1991. Je dirais une sainte mafia chrétienne, protestante, pacifiste, internationale, de diplomates, de théologiens, d'hommes d'affaires, etc., qui se connaîtraient et qui auraient une influence très large. Je crois qu'il y avait cette vision, cette utopie à laquelle beaucoup de gens se sont prêtés jusque dans les années 1950 quand même, au Chambon. Pourquoi vous dites une utopie ? C'était une belle utopie, peut-être que ça s'est heurté à certaines réalités, au caractère des hommes aussi, aux conditions économiques aussi. Le rêve s'est un petit peu estompé quand même à partir des années... Il est toujours resté présent quelque part, mais peut-être que le collège s'est banalisé, je dirais que peut-être il s'était banalisé aussi en boîte à bac à une certaine époque. Et peut-être qu'on a un petit peu perdu ça de vue. Trocmé était quand même quelque part un prophète. Theis était aussi un prophète. Mais les prophètes, ils n'ont pas toujours raison. Quelquefois, ils ne sont pas compris dans leur temps. Il est là ? Ça, si vous voulez. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est d'arriver dans un endroit vide. Oui, oui, le côté vide, je m'imagine avec des élèves partout. Même les dernières années, il y avait moins de personnes, mais il y avait cette vie. Et le côté vide, j'ai un peu de peine. Moi, je me suis obligée de venir parce que, bon, suite à la fermeture, quand même, j'avais besoin de penser que cet endroit était riche. De toute façon, il y avait laissé une richesse dans les cœurs. On a la preuve, quand même. Et que ce n'était pas que les bâtiments, que le lieu. Qu'il y avait autre chose qui avait été mis dans les têtes et dans les cœurs des gens. Moi, mais le côté un peu défiguré, ça a été un peu les dernières années du collège. Hein. On a coupé les arbres et tout ça. Ouais, parce qu'en fait, pour nous, le collège commençait là où vous voyez la borne incendie, là, beaucoup plus loin. Le collège Sévenol commençait là. Il y avait le panneau collège Sévenol qui était accroché là. Et tout ça, c'était des forêts. Il y avait une petite maison, la maison de l'infirmerie qui était là. Enfin bon, c'était un truc qui était monté sur pilotis en bois basique, quoi. Il n'y avait pas du dur là, quoi. Et tout le collège était là-bas, en fait. C'était ça. J'arrive de mon Iran natal. J'ai les gens du Chambon-sur-Lignon. J'ai des Parisiens. J'ai des Vietnamiens. J'ai des Africains. C'était le bonheur, quoi. Qu'est-ce qu'une Iranienne vient faire au Chambon-sur-Lignon ? Alors, une Iranienne vient continuer son apprentissage de la langue française parce que sa mère a décidé qu'il fallait qu'elle apprenne le français. Donc moi, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas ce que c'était les godasses, une clope, une baffe. Mais par contre, je savais parler français tout à fait littéraire. Même au Chambon, le collège Sénol n'était pas isolé du monde. C'était un collège qui était dès le début, qui avait une vocation internationale et qui était membre d'un réseau qui s'appelait l'Association des écoles internationales. Et que dans ce cadre-là, il y a toujours eu des échanges entre le collège Sévenol et un certain nombre d'établissements scolaires, aussi bien aux États-Unis que partout dans le monde, en Allemagne, à Singapour, etc. Et en Afrique, il y a une vraie tradition d'échanges internationaux autour du collège Sévenol. En dehors du fait que ça a été créé avant la guerre, mais que ça a bénéficié tout de suite, vu les circonstances, d'un apport de gens qui venaient de l'extérieur, et notamment de réfugiés juifs, mais pas que, et puis qu'il y avait des connexions entre les pasteurs qui créent le collège et les États-Unis, il y a une vraie dimension internationale et pacifiste. « suis le fils d'un pasteur protestant togolais. En plus, j'avais un problème de santé, j'étais asthmatique chronique. Robert Lasset, ancien élève, ancien professeur de philosophie et ancien directeur du collège Chevenol. Par un concours de circonstances, on a indiqué à mon père qu'il y a un établissement au Chambon-sur-Lignon qui pouvait m'accueillir et que d'autre part, il y avait une série de maisons de repos pour les enfants ici qui permettaient de, en altitude, de résorber un peu cette question de santé. C'est comme ça que je suis arrivé en 67. Alors vous vous souvenez de cette arrivée ici ? Ah oui, je me souviens très bien de cette arrivée qui fut pour moi un choc climatique, un choc culturel. Je ne m'imaginais pas cette espèce de changement brutal. Ma première réaction que j'ai eue, et ça me fait rire, sourire aujourd'hui, c'est de dire... Oh là là, que de blanc, parce que j'étais dans un environnement qui était, c'est vrai, très francophile, mais du point de vue des habitudes comportementales, qui n'est pas du tout ce que je connaissais avant, quoi. C'est le français que j'ai appris, moi, en Afrique, était un français très châtié. J'arrive ici, je trouve des jeunes qui parlaient un français dont je ne comprenais pas toujours le sens. Comme mon père a fait ses études de théologie en France, il connaissait de nom le Chambon-sur-Lignon. Il savait que dans cette Haute-Loire très catholique et très traditionnelle, il y avait quelques espaces comme ça, qui sont des sanctuaires protestants. Ce qui a été important, c'est précisément de ne pas se sentir dans un univers exclusivement protestant. Et qu'il y avait là des gens de toute tradition. J'ai eu un maître d'internat qui était d'origine hindoue. J'ai eu un prof d'allemand qui était juif. Bon, tout ça se faisait de manière tout à fait normalement. Le plateau a toujours été, comme il a toujours été, une terre d'accueil. Gérard Bollon, historien du Chambon. Très tôt, des persécutés de la vallée du Rhône ou de Cévennes viennent se réfugier ici sur le plateau. Et puis le grand moment, c'est lorsque ce plateau devient vraiment une terre d'accueil pendant la guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale, où on voit arriver justement par le petit train, quand la fumée se dissipe sur le quai de la gare, on voit encore une flopée de gamins qui ne parlent pas français, qui sont allemands, polonais, qui sont néerlandais, belges. Et vraiment, là, on se sent quand même dans un lieu un peu particulier. Il y a des Espagnols qui sont venus très tôt, dans les années 1938. Et là encore, c'est pas deux ou trois. En grand nombre. C'est déjà cette notion un peu de tour de Babel. Elle se prolonge jusque dans les années 1980, on va dire. Et cette fois-ci, ce sont des réfugiés qui ont fui leur pays. Et il y a sur le plateau un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et là encore, on entend toutes les langues. Bah donc là, on est sur le chemin qui va de l'internat et des bâtiments administratifs anciennement, hein, à la ferme qui est le réfectoire, donc qui est quand même le centre pour les internes, c'était le passage obligé, quoi. Et au-dessus du réfectoire, il y avait une salle qui était devenue une salle de spectacle, qu'on appelle la salle François Loup. Sur la gauche, les grands bâtiments, là, c'était l'internat de filles, en fait. Donc il y a eu une aile là-bas qui a été rajoutée en 89. Donc là, il y avait les terrains de tennis qui sont devenus un parking. Le stade là-bas, le gymnase, sur la droite, et le bâtiment scolaire un peu en haut. Et le collège continue au-delà, là-bas. On est sur 12 hectares là, de terrain, donc on pouvait se promener. Et tout ça, les élèves le faisaient quotidiennement, parce que les filles, elles partaient de là, elles allaient prendre leur petit déjeuner. Elles montaient ou là ou plus haut pour les cours. Le foyer était là, donc souvent elle repassait ici. Donc voilà, c'était un des trajets à peu près habituels d'un élève. Pendant la guerre, avant la guerre déjà, vont se développer ce qu'on appelle les mouvements de jeunesse. Aziza Grille-Mariotte, responsable du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Avec des leaders protestants, on entretient dans ces mouvements de jeunesse d'ailleurs un certain esprit de résistance. Et le 10 août 42, vous voyez ici, Georges Lamiran, qui est secrétaire général au sport au gouvernement de Vichy, vient de façon tout à fait officielle visiter ces mouvements de jeunesse pour voir ce qui s'y passe. La journée se termine par un culte au temple. Et à la sortie du culte, il y a un groupe de jeunes collégiens de l'école Nouvelle-Sévenole qui vont interpeller le ministre et qui vont dénoncer la rafle du Veldiv en expliquant au ministre que si... Donc on pourrait lire la lettre. Nous tenons à vous faire savoir qu'il y a parmi nous un certain nombre de juifs. Or, nous ne faisons pas de différence entre juifs et non-juifs. C'est contraire à l'enseignement évangélique. Si nos camarades, dont la seule faute est d'être nés dans une autre religion, recevaient l'ordre de se laisser déporter ou même recenser, ils désobéiront aux ordres reçus. Et nous nous efforcerions de les cacher de notre mieux. Nous ignorons ce qu'est un juif. Nous ne connaissons que des hommes. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée, ça vous résume bien l'esprit de résistance des jeunes. Et cet esprit, il est vraiment entretenu par les leaders que sont l'ancien maire, les pasteurs, le médecin, le docteur Roger Le Forestier, le directeur de l'école. Vous voyez, c'est toutes les élites, en fait, qui sont vraiment impliquées... Voilà. Parce que des fermiers protestants qui cachent des juifs, il y en a eu dans les Cévennes, il y en a eu à Diolfi, il y en a eu même pas protestants en Bretagne, enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y en a eu dans toute la France, il y en a eu en Corrèze, mais la particularité vraiment du territoire, c'est cette espèce de petite république chrétienne, en quelque sorte, d'abord qui a connaissance très tôt de la réalité du nazisme. Ils ont des infos suffisamment étayées et suffisamment inquiétantes très tôt pour savoir que quand on déporte les Juifs, c'est pas pour qu'ils aillent faire du travail forcé en Pologne. Voilà. Cette visite du 10 août 42 va être suivie le 25 et 26 août 42 de la rafle de la zone sud. Toutes les préfectures de la zone sud organisent cette rafle. Sauf que ici, quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Alors les gendarmes disent ouais, oui, mais c'est pas une prison ici, hein, les gens vont se balader. Ensuite, ils arrivent dans les maisons d'enfants du Secours Suisse, où là, ils ont affaire à Auguste Bonny, qui est le directeur des maisons, qui est suisse, et qui est très proche de Trocmé et de Theis, parce qu'il est aussi objecteur de conscience. Donc, vous voyez que tout se relie. Hein. Et quand les gendarmes veulent rentrer, ils disent, vous ne pouvez pas rentrer. Les maisons sont financées par la Suisse et par la Suède, deux pays neutres, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, les gendarmes repartent. Donc, évidemment, les gendarmes, ils ont les listes. Ils savent qui est où, en réalité. Assez récemment, j'ai retrouvé en fait des documents d'archives où Auguste Bonny en fait a été menacé. Il y a eu des menaces très fortes sur la population. On a inscrit des placards où les gens étaient menacés d'arrestation s'ils venaient en aide aux Juifs, parce qu'après ils ont fouillé toutes les fermes et il a fallu à ce moment-là organiser les chemins de fuite avec Mireille Philippe pour emmener les gens en Suisse. Donc vous voyez que les choses ne se sont pas passées de façon aussi simple. Il y a eu des tensions. René Rivière, ancien du Sévenol et héritier d'une vieille famille du plateau. Car être non-violent pacifiste est une chose différente qu'être maquisard réceptionnant des armes. Chacun restait dans son camp. Tout était clandestin. Personne ne parlait de ça à l'époque. Il s'est passé que le pasteur Trocmé est resté pasteur du Chambon en chair et en os. En chair, vous voyez ce que je veux dire. Et que Madame Trocmé a continué à recevoir des gens qui se cachaient au presbytère et que le maquis... Alors, il y a eu un détail dont vous avez peut-être entendu parler. Certains maquisards qui étaient un peu des ultras, ont voulu les objets du temple pour présenter le pain et le vin. Et que le pasteur Trocmé aurait dit « Moi, non, je ne me sépare pas de ces objets et je ne m'occupe pas des gens du maquis et de la résistance. » Tout le monde n'a pas été forcément d'accord avec la manière de voir, en particulier de Trocmé, pendant la guerre. Alain Arnoux. Trocmé avait une vision pacifiste. Il voulait faire une résistance, sans l'appeler comme ça, non violente. Et ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde, dans la jeunesse en particulier. ni parmi ses collègues du plateau, parce qu'il y avait beaucoup plus de pasteurs sur le plateau à cette époque-là que maintenant. Et bien sûr, il y avait la question des politiques, puisque le Chambon était un endroit où il y avait une cellule communiste active, où il y avait une section socialiste active aussi. Tout le monde n'était pas pieusement au temple à attendre les directives le dimanche matin. Et cela a provoqué, je pense, quelques tensions qui se sont manifestées peut-être aussi au moment de la libération et peut-être très rapidement après. Le fait que M. Trocmé ait eu une mère allemande et eu toute une partie de sa famille allemande, que Mme Trocmé était italienne, ce sont des choses qui ont pesé aussi. Et le fait que M. Trocmé, à la libération, soit allé s'occuper des prisonniers allemands qui étaient pas très loin d'ici, au château du Pont de Mars, ça a été relativement mal reçu par certains. Le miracle, si on peut dire ici, ça a été que quand même il y a eu cette espèce de contrat avec la résistance armée pour qu'il n'y ait pas d'actes violents, mais c'était aussi pour protéger les réfugiés qui étaient là, pour éviter la rafle catastrophique qui aurait vraiment fait déporter beaucoup de monde. Le plateau était connu avant Teix et Trocmé. Dire le plateau, c'était une espèce de terre sainte pour toutes sortes de gens, à Saint-Étienne, à Lyon, mais dans le reste de la France, parce que c'était connu comme une terre particulière où le peuple protestant était encore puissant, fort, où les temples étaient pleins le dimanche, où les gens se conduisaient moralement, etc. Et il y avait tout un passé, et ce passé-là, moi-même, quand je suis arrivé ici en 1983, très impressionné. En 88, en Israël, à Yad Vashem, on a honoré, Yad Vashem a pris la décision, fait unique dans le monde, jusqu'à quelque temps, eh bien, Yad Vashem décide de décerner un diplôme collectif, un diplôme d'honneur, qui convient tout à fait aux citoyens, même aux enfants aujourd'hui, car on évoque pas simplement le Chambon, mais aussi les villages alentours, qui ont eu une action similaire au village du Chambon. La différence, elle tient peut-être au nombre de rescapés ou de sauvés, mais l'esprit est le même. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit sur ce diplôme d'honneur ? Le peuple d'Israël rend hommage aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui se sont portées à l'aide de Juifs durant l'occupation allemande de 40 à 1944 et les ont sauvés de la déportation et de la mort. Obéissant à leur conscience, ils ont mis leur propre vie en danger en recueillant dans leurs fermes, dans leurs foyers, des persécutés et en pourvoyant à leurs besoins par amour du prochain. Ils ont aussi accompli la prescription divine « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », illustrant la parole du Talmud « Quiconque seul une vie sauve l'univers tout entier ». Les hauts faits des habitants de Chambon-sur-Lignon et des communes voisines resteront gravés dans la mémoire du peuple juif. Jérusalem, octobre 1990. Merci à Pierre Rousset, Anne Hollard, Antoine Catala, Josiane Escott, Sadaf Colestan-Manval, Gérard Bollon, René Rivière, Robert Lasset et Aziza Grille-Mariotte. Merci également aux pasteurs Alain Arnoux et Esther Villande-Moret, à Yves Toali Seri, à Caroline Rigaud. Merci enfin à tous ceux, anciens du Cévenol, qui ont répondu à mes sollicitations et que je n'ai pas pu rencontrer. Collège Cévenol et Chambon-sur-Lignon, des affinités très électives. Prise de son, Cyprien Creton. Réalisation, Rafik Zénine. Mixage, Éric Villenfin. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière, d'Alain Lefkovitch.